Lass quatschen. Bienvenue dans mon compte, des billets, on veut compter. Une clap, une feuille, je te raconte. Y'a ceux qui parlent et ceux qui comptent. Compte sur personne, l'oseille ne fait pas de bonhomme. Y'a ceux qui se battent et ceux qui pompent. Moi, 8 ans, j'ai tenu un pont. À 13 ans, je tenais le terrain, ensemble, trop copère de requins. Un requin en sac à dos, je viscère la bague, j'ai plus de bédo. Ici, on encule la popo, en carte à vos dépôts. J'suis sorti, j'mets mes lacets, jamais lacets pour cavaler. Appelez la cavalerie, j'cavale comme Cavani. Appelez la cavalerie, j'ai rêvé de me faire les galeries. Appelez la cavalerie, appelez la cavalerie, j'ai rêvé de me faire les galeries. On rêve tous d'une vie de rêve, d'une paracalos pathos. D'hétérogène écoulé par les condés, je me faisais courser. Le temps qui défilait et les bolos qui faisaient la file. Coup de fil sur coup de fil, gros j'ai viscère sur tout Paris. J'te parie, t'as vu le parrain, tu te prends pour lui mais t'as pas un. Sur le terrain, j't'ai jamais vu, t'inventes pas de vie, personne t'a cru. Qu'est-ce t'as cru, t'es dans la rue, des grammes s'écoulent en plein rébu. Pendant que tu pleures pour une tepue, au dépôt des frères pétons. Devant la juge, la bouche fermée, fermez les portes, j'suis condamné. En cellule, j'ai cogité, j'ai rêvé de la liberté. J'étais foncé, j'étais pété, mais toujours doom, son père pédé. La lettre de mort qui me faisait plaisir, les mandats qui se faisaient rares. Et les rats qui te font peur, dehors la boîte. Nous casse les couilles, elle nous fouille, nous dépouille. Des voyous en bleu marine, moi j'encule la France marine. J'suis beurre au chocolat, j'suis zillé des boulots. Moi j'suis de la mine, de la nanba. En pleine période de commission, mon avocat il est commis. Des délits j'en ai commis, bien entendu je ne t'omis pas. C'est réel, j'en de la nanba, du temps passé avec mes gars. Razonné sur tout riba, habit grave de la rebu. On a enculé ribou, plus d'une fois fini au trou. C'est pour Zozo qui sur son dos a des années de l'année. On est coulé dans l'inconscient qu'on pouvait couler. Du blé on voulait compter pendant que les condés nous pissaient. La PJ peut témoigner, j'ai jamais balancé. J'suis lassé de ces ans les culs, j'suis algérien, j'donne pas mon cul. Lassé de ces ans les culs, lassé de ces ans les culs, j'suis algérien, j'donne pas mon cul. La squal ma gueule.